Voici, à 1h05 environ, de larges extraits du contrat social que Jean-Jacques Rousseau publia en 1762. Il avait donc 50 ans. Et Louis XV règne en France en monarque absolu qui n'a de compte à rendre à personne, sinon à Dieu. Pour la présentation de ce contrat social de Jean-Jacques Rousseau, je suis parti des textes déjà choisis dans le classique Larousse par Madeleine Lebras, à qui j'emprunterai également quelques précisions apportées dans ses précieuses notes. Même si certains passages vous paraissent peu clairs, vous entendrez de nombreux propos plus que révolutionnaires au XVIIIe et toujours valables au XXIe.